On déplacera les corps morts. On a déplacé, taillé, sculpté la pierre. On gardera les corps, on ne peut plus oser les regarder. Les têtes ont été séparées des corps. Les corps sont tombés. Les corps d'hommes morts sont séparés du corps des femmes vivantes. Les femmes ne s'allongeront plus auprès des hommes, ni dans le sommeil, ni dans l'amour. On les déposera peut-être dans des tombes. Les femmes, les hommes. On déposait des femmes de marbre le long des corps morts, des mortels dans les tombes des Cyclades. Les bras croisés au-dessus de leur ventre arrondi. Les bras croisés au-dessus de leur ventre rayé. On déposait des femmes violons avec leurs longues gorges et leur ventre large entre leurs hanches larges. Debout, au-dessus des tombes, les femmes de chair resteront, les bras, la gorge, le ventre, séparés.